Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. Cette semaine dans la collection. La compagnie Sega pense-t-elle à ramener la Dreamcast? On parle déjà de Call of Duty 5 et de Guitar Hero 4. Une erreur de Symantec prive des écoles de leur accès à Internet et le cas Roberge passe du web au cinéma. Tout ça et plus tout de suite, c'est l'heure du jeu! Bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. En ce lundi 10 au jeudi 13 décembre, je m'appelle Mathieu Plante et on va parler des choses qui vous intéressent, des choses qui vous importent le plus pendant les deux prochaines heures. Dans quelques minutes, ça va être le fil jeux vidéo. On va parler de Xbox 360 et de Michael Bay qui critique sévèrement Microsoft. Tout ça est un nouveau Tomb Raider, potentiellement. Mais avant, en musique, voici Hot Springs et Phantom Gear. Ah, c'est faux, 89, ouais. Formation Hot Springs avec Fantôme Dinosaure de leur album Volcano à la collection, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. C'est le fil jeux vidéo maintenant et on parle pour commencer de Microsoft, ceux qui possèdent un compte Xbox Live Silver et qui ragent devant l'impossibilité de télécharger certains fichiers au même moment que les membres Xbox Live Gold seront amèrement déçus de la dernière annonce de Microsoft. En effet, cette dernière a annoncé qu'elle offrira désormais des démos et des fichiers sélectionnés une semaine à l'avance aux membres Xbox Live Gold, ceux n'étant pas propriétaires, n'étant propriétaires, que d'un compte Silver, devront patienter une semaine avant de pouvoir mettre la main sur ces fichiers par rapport à leurs homologues possédant un compte Gold. Et je cite, « Cela arrivera de plus en plus souvent. » C'est ce qu'a déclaré le directeur de la programmation de Xbox Live. De ce fait, vous pourriez peut-être envisager de passer au service Gold si vous désirez obtenir les derniers et les meilleurs trailers, les meilleures démos, etc. Cela n'est pas pour ennuyer nos membres Silver. L'accès au contenu exclusif n'est qu'un autre bénéfice d'un compte Gold. Le dernier fichier ayant subi cette restriction fut la mise à jour apportée sur le jeu BioShock, qui a ajouté de nouveaux plasmides et de nouveaux toniques. Si vous désirez savoir quels fichiers sont et seront touchés par cette politique, la mise à jour de la Xbox 360 lancée la semaine dernière a ajouté une nouvelle fonction démontrant ce que les membres Silver peuvent et ne peuvent télécharger. Un fichier à l'accès restreint affiche un cercle rouge avec une barre. Si vous tentez de le télécharger tout en ayant un compte Silver, un message d'erreur apparaîtra et vous dira de tenter de nouveau votre téléchargement ou bien de passer à un compte Xbox Live Gold. Tiens, parlant de ces nouveautés de la Xbox 360, c'est la semaine dernière, le 4 décembre, que Microsoft offrait la nouvelle mise à jour de la Xbox 360 via Xbox Live. Les propriétaires de la console peuvent télécharger gratuitement le Fall Dashboard Update afin d'ajouter quelques nouvelles options à leur machine. Voici donc une liste assez exhaustive des changements importants qui seront apportés via jeuxexpress.com. Xbox Originals, c'est le premier. Des jeux Xbox tels que Halo, Fable et Psychonauts vont pouvoir être téléchargés. Le coût de chaque jeu sera de 1200 points. Xbox Live Arcade Hits. Certains jeux Xbox Live Arcade comme Luminous Live, Marble Blast Ultra, Small Arms et Zuma Deluxe auront droit à une baisse de prix de 400 points. Inside Xbox. Les nouvelles du site Xbox.com seront disponibles sur votre console à partir du 11 décembre. Profil, il sera maintenant possible de se décrire davantage grâce à la nouvelle biographie personnelle. Liste d'amis, il sera possible d'avoir la liste d'amis de d'autres membres Xbox Live. Contrôle parental, le Family Timer permettra aux parents de limiter le temps de jeu alloué à leurs enfants. Navigation, des changements seront apportés au menu, notamment les boutons Game Store et Video Store. Et finalement, dans le vidéo, support de nouveaux codes vidéo et aperçu plein écran de films. Toujours au sujet de la Xbox dans le fil jeu vidéo de la connexion, après plusieurs mois d'attente, Microsoft a confirmé l'arrivée du service Xbox Live Vidéo au Canada. Scott Nokas, le directeur du marketing chez Microsoft, a accepté de répondre à certaines questions à propos du service au pays. D'abord, il faut savoir que Xbox Live Vidéo entrera en vigueur le 11 décembre à 3h, heure de l'Est. Si vous écoutez en direct, c'est demain, mardi. Pour lancer le service, Microsoft va présenter le même nombre de films qui étaient offerts au lancement américain d'Xbox Live Vidéo. Les œuvres de Warner Brothers, Maple Pictures et MPI, parmi lesquelles on retrouve 300, Teenage Mutant Ninja Turtles, Ocean's 13, The Reaping, Delta Force et plusieurs autres. C'est ce qui va être disponible. Certains seront évidemment offerts en haute définition, mais malheureusement pour le moment, aucun contenu télévisé ne sera offert. La mauvaise nouvelle est que le prix de vente sera plus élevé au Canada. Ben oui, les vieux films vont être offerts à 310 points en définition standard et 460 en haute définition, alors qu'ils coûtent 240 et 360, donc 100 de moins presque, en tout cas pour la version haute définition, aux États-Unis. Du côté des films récents, le prix de vente sera de 460 en standard et 610 en haute définition, alors qu'aux États-Unis, c'est 320 contre 480. Il faut ajouter à cela le fait que les cartes de points coûtent plus cher en ce moment même au Canada, même avec la parité des devises. Donc, louer un nouveau film en définition standard va coûter 6,50 $, alors qu'un film en haute définition coûtera près de 9 $. En terminant, voici la liste des films qui vont être offerts le jour du lancement d'Xbox Live Vidéo au Canada, c'est-à-dire demain. Je vais mentionner quelques-uns. Du côté de Warner, il y a entre autres Amadeus, Creepshow, The Man with Two Brains, Wyatt Earp, Risky Business, Maple Pictures offre Delta Force, Bug, Holla et Cutting Class, et MPI offre The Texas Chainsaw Massacre de 1974, et puis Spider Baby. Ouais. Toujours au sujet de Xbox, dans son infinie bonté, le géant américain Microsoft annonce plusieurs baisses de prix concernant une petite sélection de titres Xbox Live Arcade. J'en parlais tantôt, mais ici on donne les titres. Il y a Luminous Live, Bankshot Billiards 2, Small Arms, Marble Blast Ultra et Zuma Deluxe qui sont maintenant à 400 points. Voilà, une aubaine pour ceux qui aspirent à se changer les idées entre deux sessions de Call of Duty 4, dit l'article de jeuxvideo.com. Et dernière nouvelle sur Microsoft. Celle-là. Le réalisateur Michael Bay ne porte pas Microsoft dans son cœur, du moins si on se fie à son dernier message paru sur ses forums officiels. En effet, Bay a ouvertement et sévèrement critiqué la compagnie de Bill Gates au sujet de la guerre que se livrent le Blu-ray et le HD DVD. Selon Michael Bay, Microsoft ne voudrait aucun gagnant dans cette guerre, mais plutôt deux perdants. De cette façon, Microsoft pourrait sortir grande gagnante via le téléchargement de films. Microsoft veut que les formats HD, DVD et Blu-ray s'écrasent afin qu'ils soient des héros et qu'ils fassent passer le monde aux téléchargements digitaux. A écrit B sur ses forums, digitaux voulant sûrement dire numérique. C'est le sale secret, je continue la citation, c'est le sale secret que personne ne dit. Ils veulent de la confusion sur le marché jusqu'au moment où ils auront parfait les téléchargements, je vais dire numériques. Le temps le dira et vous verrez la vérité. C'est pourquoi Microsoft tend des chèques de 100 millions de dollars aux studios afin qu'ils penchent du côté du HD-DVD et non le format supérieur et meneur qui est le Blu-ray. Fin de la citation. Michael Bay, depuis toujours, est un fier partisan du Blu-ray. Lorsque le studio Paramount a pris la décision d'abandonner le Blu-ray, le réalisateur a temporairement menacé de ne pas participer à la réalisation du film Transformers 2. Connaissant son parti pour le Blu-ray, ne s'agirait-il pas d'une tentative par Michael Bay de rabaisser Microsoft et du même coup le HD-DVD, format qui compte sur le support de la compagnie de Bill Gates? Comme le dit si bien Bay lui-même, seul le temps le dira. Voilà. Ça, c'est un article de Hardgamers.com. Même chose pour le prochain, avec la grève des scénaristes à Hollywood, plusieurs séries télé et films sont menacés, la réalisation de certains en ayant déjà été affectée. Or, la dernière victime de cette grève est cette semaine connue puisque le film basé sur Castlevania est sur la glace, le scénario du film ne pouvant pas être terminé. Selon les informations rendues disponibles, le scénario de Castlevania a besoin d'être retravaillé, ce qui est impossible en ce moment en raison de cette grève des scénaristes américains. Il est impossible de savoir quand reprendra la production du film. La fin de la grève semblant encore loin en ce moment. Et une nouvelle de jeuxvideo.com pour terminer, c'est en tout cas un nouveau Tomb Raider. C'est en tout cas ce que laisse penser le dépôt par Eidos de la marque Tomb Raider Underworld aux États-Unis. Depuis sa renaissance avec Tomb Raider Legend puis Anniversary, la série connaît de nouveau un succès mérité, dit l'article. Une nouvelle suite n'aurait donc rien de vraiment étonnant. Plus surprenant, par contre, le moteur graphique qui anime la série télé de Tomb Raider devrait servir aussi pour Deus Ex 3, qui est actuellement en développement chez Eidos Montréal. Là, qui fait le tour pour le bloc jeux vidéo, la première partie, regardons un petit peu les mots les plus recherchés sur la toile du Québec la semaine dernière, en cinquième position, et la quatrième aussi, c'est stable, les packs et ensuite Hotmail. En troisième, ça monte avec Facebook. En deuxième, c'est stable avec l'Auto-Québec. Et le numéro un, c'est Horoscope. J'ai fait la connexion à C'est fou, 89.1 FM. Merry-Go-Run avec Ejectio Siga de leur album Lights and Elements. C'est dans les palmarès anglophones cette semaine et c'est un groupe local, Merry-Go-Run. Très, très, très bonne musique. On était en plein milieu du fil jeu vidéo juste avant la pièce et maintenant parlons un petit peu de Sega. Et la nouvelle a été mise à jour récemment, donc je vais vous lire la première partie de la nouvelle. Même en sachant que Microsoft, Sony et Nintendo sont en pleine guerre de consoles, Sega effectuera-t-elle un retour sur ce marché avec sa Dreamcast? Il semblerait bien que ce soit possible si on se fie à un nouveau brevet déposé par la compagnie japonaise. Sega a ainsi déposé un brevet mis à jour portant le nom de Dreamcast au bureau des brevets américains. Ça ne signifie pas que la firme effectuera un retour sur le marché des consoles, mais les plus optimistes peuvent l'espérer, dit l'article. Il ne pourrait s'agir que d'un plan pour Sega afin de protéger la marque Dreamcast afin d'en avoir tous les droits. La Dreamcast de Sega fut lancée le 9 septembre 1999 en Amérique du Nord et fut un grand échec, ayant forcé Sega à l'abandonner moins de 2 ans après sa parution. La firme avait alors annoncé qu'elle allait se concentrer sur la conception et la distribution de jeux, ce qu'elle a fait depuis. Donc, la mise à jour dit, suite à toute la polémique entourant cette nouvelle, le directeur des relations de presse de Sega of America, Charlie Shibeta, a déclaré au site GameDaily.biz que la compagnie n'avait pas l'intention de revenir sur le marché des consoles. En fait, Sega est très satisfait de ses performances en tant que compagnie tierce et n'a aucun plan afin de changer sa stratégie de croissance pour le moment. Sega est présentement la 6e compagnie tierce dans l'industrie du jeu vidéo. Donc, ça ne veut absolument rien dire, mais quand même, on peut espérer un jour un retour de Sega aux consoles parce qu'il y a bien, bien, bien des gens qui trouvent que la Dreamcast était la meilleure console de sa génération. Parlons d'Activision maintenant. Ceux possédant la version Wii de Guitar Hero 3 Legends of Rock le savent. Activision et Red Octane ont commis une grosse erreur en offrant le jeu qu'en mono. Or, ce problème sera corrigé au début de l'an prochain et Activision va dédommager ceux ayant déjà acheté le jeu sur la Wii sans frais. Et je cite, « Nous avons récemment pris conscience que certains joueurs n'ont pas pu apprécier l'expérience audio de la version Wii de Guitar Hero 3 Legends of Rock à son maximum. Nous travaillons en ce moment avec Nintendo et planifions de lancer une meilleure expérience audio dans les versions ultérieures du jeu », a déclaré le porte-parole d'Activision, Riming Poon. « Nous prévoyons avoir des disques remasterisés au début de 2008 et nous offrirons aux joueurs des disques de remplacement sans frais lorsqu'ils seront disponibles. Nous remercions tous nos consommateurs pour leur support et leur patience. » Lorsque la version de Wii de Guitar Hero 3 fut lancée sur le marché, elle devait supporter le son stéréo ainsi que le son surround de Dolby Pro Logic 2. Néanmoins, plusieurs joueurs ont rapporté que le son produit par le jeu n'était que mono, ce qui a amené Activision à retirer cette version du marché le temps de corriger le problème. Pendant une conférence téléphonique dont l'objectif était de discuter de la fusion entre Activision et Vivendi, il a été permis d'apprendre que Call of Duty 5 et Guitar Hero 4 sont déjà en développement. Compte tenu du succès des deux séries, c'est pas vraiment une surprise. La nouvelle entité qui s'appelle Activision Blizzard, on en parlait la semaine dernière, la grosse fusion, ça aurait aussi l'intention de créer d'autres jeux basés sur le modèle de World of Warcraft, où le joueur doit payer un certain montant mensuel. Puis Bizarre Creations, qui vient d'être acquis par Activision, travaille sur un nouveau jeu de course. Enfin, il semblerait que World of Warcraft ne verra définitivement pas le jour sur une console. Dans un entretien accordé à MSNBC, Jack Tretton, le leader de Sony Computer Entertainment America, a reconnu des erreurs concernant le lancement de la PlayStation 3. Et je cite, « Je ne crois pas qu'il serait honnête de vous dire que tout a fonctionné comme nous l'avions prévu. » Et notre plus gros échec reste le lancement où nous avions facilement 1 million de clients américains prêts à acheter la PS3 et à peine 200 000 unités en stock pour répondre à la demande. Cela reste sûrement notre plus gros regret pour cette première année. Réaliste mais pas pessimiste, dit l'article, Tretton estime aussi que les accusations d'arrogance récurrentes pour sa marque venaient davantage, et je cite, de la presse et des blogs que des vrais consommateurs. Une petite nouvelle brève pour dire que Capcom fermera bientôt les serveurs de 2 jeux. Dit JXP.ca. En effet, à la fin du mois, il sera plus possible de jouer en ligne à Monster Hunter et à Resident Evil Outbreak. La raison est simple, après 3 ans, la compagnie qui hébergeait les serveurs a décidé d'arrêter de supporter la PlayStation 2. Capcom n'est pas arrivé à trouver de remplaçant. Bref, il vous reste jusqu'au 31 décembre pour profiter de Monster Hunter et Resident Evil Outbreak sur la PlayStation 2. Et la grosse nouvelle de la semaine dernière continue d'enfler. La grosse polémique entre GameSpot et Gerstmann. Donc, apparue en fin de semaine dernière, rappelons les faits, avec la rumeur du licenciement de Jeff Gerstmann, la polémique GameSpot n'en finit plus d'enfler, dit l'article de GameCult.com. En cause, le test de Kane et Lynch par Gerstmann, publié le 13 novembre, est particulièrement critique avec la nouvelle production de EO Interactive, dont la campagne de pub pour le jeu ornait, à l'époque, la page principale du site GameSpot.com. Très vite, le licenciement abrupt du responsable éditorial, rédacteur pour le magazine depuis plus de 10 ans, se confirme femme par la voix de son employeur CNET, mais mis à part les formules d'usage, aucune raison n'est donnée pour son licenciement. Avec un timing pareil, il fallait cependant pas plus à la communauté des joueurs pour s'enflammer et dénoncer les pressions de l'éditeur de jeux Eidos. Et bien, le week-end et le tout début de semaine permettent aux imaginations de s'enflammer, et ce ne sont pas les commentaires assez brefs d'un intéressé recueilli par Joystick, mais largement bridé par des considérations légales. Tout juste confirme-t-il la soudaineté de sa mise à la porte qui suffisent à calmer les esprits. Dépassé par l'ampleur du phénomène et son effet dévastateur sur son image, le site aura attendu à la semaine dernière, un petit peu plus tard, en fait quelques jours, pour évoquer le sujet et donner du même coup une dimension un peu plus concrète à une affaire jusque-là principalement bâtie sur des rumeurs et des on-dit. D'éventuelles pressions de l'éditeur du jeu sont bien sûr écartées par GameSpot, qui parle de raisons internes, mais refuse d'en dire plus, là encore pour des considérations légales. Et bien, plus tard dans la semaine, les rédacteurs du site ne disent pas autre chose dans un podcast en anglais, une balado-diffusion consacrant près de 30 minutes au sujet. Choqué par le départ abrupt de Jeff Gerstmann, il rit pourtant en bloc qu'il soit dû aux pressions d'Eidos. Au passage, la disparition pendant quelques jours du vidéo-test accompagnant l'article, dans lequel Gerstmann n'y allait pas de par quatre chemins pour massacrer le titre, non mais j'ai vu le vidéo et je l'ai même posté sur YouTube. On a écouté une petite partie la semaine dernière à la connexion. Le gars disait que c'était vraiment mauvais, très très mal fait, en tout cas. Tout ça pour dire, la disparition pendant quelques jours du vidéo test est élucidée par Ryan McDonald, le producteur exécutif, qui précise qu'elle avait été mise hors ligne à cause de soucis techniques lors de l'enregistrement. Bien sûr, bien évidemment. Hein? Damage Control ou véritable excuse, toujours est-il que la vidéo en question a été remise en ligne suite à la levée des boucliers des lecteurs. Officiellement donc, si ce licenciement est douloureux, il n'a rien à voir avec le test de Kane & Lynch, dit l'article. Plus officieusement, pourtant, les langues se délient, notamment par le biais de commentaires diablement bien informés sur le fonctionnement interne du géant américain, et donc assez crédibles malgré l'anonymat de leur auteur. Quelques propos postés sur Valleywag et compilés par Kotaku jettent ainsi un pavé dans la mare, en mettant carrément en cause Josh Larson, le successeur depuis le début de cette année du précédent rédacteur en chef Greg Cassavin. Citant un employé de GameSpot, là encore anonymement, Kotaku relate une profonde incompréhension, une certaine démotivation régnant au sein de la rédaction de GameSpot, mise devant le fait accompli la semaine dernière et visiblement toujours ignorante du motif ayant entraîné le licenciement, même si le ton des tests serait en cause. Dont acte, toujours en ligne, le test de Kane & Lynch présent sur le site a été sévèrement modifié après sa publication. Ici, la note de 6 sur 10, qui est un score assez bas, n'a pas bougé. Le corps du texte, lui, a subi un lifting pour le moins positif. Justifié ou pas, la nouvelle version de l'article, expurgée de commentaires particulièrement cinglants sur les personnages ou le jeu dans son ensemble, n'a en tout cas plus grand-chose à voir avec le vidéo-test de M. Gerstmann, resté, lui, vierge de modifications. Une semaine après le déclenchement de la polémique, alors que la poussière retombe à peine suffisamment pour qu'on y voit plus clair, dit l'article, une seule chose est sûre, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. D'éventuelles explications sur les événements, les seules disponibles actuellement étant similaires en interne. GameCult est édité lui aussi par CNET. D'ailleurs, l'article de GameCult.com donc, appartient à CNET. Donc, ils ont peut-être un petit peu conflit d'intérêt à peine. Ça pour dire la phrase, c'est ça. D'éventuelles explications sur les événements, les seules disponibles actuellement étant similaires en interne à celles publiées officiellement hier, se heurtent en effet aux considérations légales précises. Mais également peut-être aux véritables raisons derrière ce licenciement. Car si on n'imagine pas une rédaction mettre à la porte un de ses rédacteurs les plus expérimentés pour une simple gueulante d'un éditeur, l'affaire possède suffisamment de zones d'ombre et soulève tellement d'indignation chez GameSpot comme dans la presse en général pour qu'on en soit, en droit de se poser légitimement des questions. Voilà. L'article s'appelle GameSpot Gerstmann, la polémique enfle, c'est via GameCult.com. Vous pouvez le retrouver sur le site de l'émission au www.unechance.com. Affaire assez frustrante. Merci beaucoup de rien. Là, je fais le tour pour le fil jeux vidéo. Regardons un petit peu les jeux les plus loués la semaine dernière au Super Club Vidéotron. En 5e, c'est Need for Speed Pro Street sur la PS2. En 4e, c'est Need for Speed Pro Street sur la 360. En 3e, Super Mario Galaxy sur la Wii. En 2e, c'est Call of Duty 4 Modern Warfare sur la Xbox 360. Et le jeu le plus loué la semaine dernière, c'est Assassin's Creed. Je vais pas finir ça. We'll be right back. Setting Sun in a Certain Way à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Avant la pause, c'était téléphérique avec à distance. Et maintenant, parlons des nouveautés en magasin cette semaine. VRGamers.com, Noël est proche et ça se sent par le faible nombre de sorties. Commençons par les jeux multiplateformes. Sur PS2, PS3 et Xbox 360, on retrouve NCAA March Madness 08. Sur la DS, on retrouve Luxor Pharaoh's Challenge. Sur le PC, The Lost Crown, A Ghost Hunting Adventure, The God Game. Galactic Civilizations 2 Twilight of the Honor, The Star Duck, The Golden Compass, basé sur le film de Sega, et Universe at War Earth Assault de Sega aussi. Sur PlayStation 2, un jeu de Valkyrie Games, Desenryaku 7 Exceed. Sur PlayStation 3, Black Site Area 51 de Midway, Unreal Tournament 3 de Midway et The Orange Box de Electronic Arts, voyons. Et finalement, sur la Nintendo Wii, Indianapolis 500 Legends de Destineer, Kawasaki 4x4 Quad Bikes de Destineer, Super Swing Golf Season 2 de Tecmo, Winter Sport The Ultimate Challenge de Conspiracy Entertainment et finalement Showtime Championship Boxing de DSi Games. Ensuite, lorsque Microsoft a pris la décision de fermer les portes de son studio FASA Studios, les propriétés de cette dernière lui sont revenues. Or, le fondateur de FASA, Jordan Weissman, a annoncé la semaine dernière qu'il a remis la main sur ses anciennes séries, incluant Crimson Skies, MechWarrior et Shadowrun. En acquérant de nouveau ses franchises, Weissman s'est assuré d'avoir en sa possession plusieurs séries fort connues pour son nouveau studio qui s'appelle Smith & Tinker. Et je cite... Nous ne sommes pas tout à fait prêts pour annoncer nos plans pour chaque propriété, mais restez assurés que notre but est de reprendre et régaler les vieux fans tout en accueillant de nouveaux fans dans ces mondes fantastiques. Il est impossible de savoir pour le moment si cette nouvelle affectera le développement du mode MechWarrior Living Legends pour le jeu Crysis. Microsoft avait plutôt cette année accordé les droits à cette équipe des fans, à cette équipe de fans du jeu Crysis de développer un mode basé sur l'univers de MechWarrior, ce qui pourrait ne plus être possible désormais en raison de la perte des droits de cette série aux mains de Smith & Tinker. L'article, le fondateur de FASA récupère ses anciennes franchises, contient un lien vers le site de Smith & Tinker, c'est sur lunechance.com. Semaine plutôt tranquille du côté de la Virtual Console de Nintendo avec l'apparition de jeux plus ou moins connus. Les amateurs de jeux de tir vont pouvoir regarder du côté de Zanac, tandis que ceux désirant disputer des combats en 2D pourront se divertir à l'aide de Eternal Champions. Enfin, ceux qui aiment les jeux de rôle et d'action pourront se tourner vers The Dynasty Hero. Voilà, c'est les jeux de 86. Le premier jeu date de 1986, Zanac, un jeu de tir à la verticale dans lequel on doit piloter le fameux Zanac afin de détruire des bases ennemies. Dans Eternal Champions, c'est juste un jeu de combat où les combattants devront se ravir le droit d'affronter le meilleur bagarreur de l'univers, l'Eternal Champion. Et pour Dynasty Heroes, c'est un jeu d'action et de rôle qui met en vedette de nombreux personnages en forme d'insectes. Voilà. Et Activision fait non seulement partie de la grande famille de Vivendi Games, mais elle a aussi de nombreux jeux en développement qui réjouiront plusieurs fans. En effet, la firme a annoncé qu'elle a présentement en chantier les jeux Call of Duty 5 et Guitar Hero 4. Elle développe également des jeux qui ont déjà été dévoilés par le passé, à savoir un nouveau Tony Hawk, un nouveau James Bond, de nouveaux jeux basés sur l'univers de Marvel et des jeux tirés des films de DreamWorks. Depuis le studio Bizarre Creations, qu'Activision a acquis plus tôt cette année, est en plein travail sur un nouveau jeu de course. On en parlait un petit peu tantôt. Donc, ça va vite pour les suites. Même c'est quelqu'un dans les commentaires, Infected Mushroom, sur la titre de ArtGamers.com, qui dit « Wow, ça va vite les suites ». Et l'autre a hâte de voir James Bond de Binox. Ça va être très, très bon. Là, qui fait le tour pour les nouveautés en magasin cette semaine. Des choses qui vont se passer bientôt sur vos écrans dans à peine quelques minutes. On va faire une petite rétrospective de 2007 avec, entre autres, les sites les plus visités par les Canadiens et les tendances des internautes en 2007. On va faire ça dans quelques minutes à peine, mais pour l'instant, tout le monde parle de Bruno Marsil. À la connexion, à C'est fou 89.1, la radio campus de Trois-Rivières. Un band de boogie à Montréal, années 70. Un groupe écœurant. Dire qu'il n'y a plus un maudit d'enregistrement. Vous les auriez vus, vous les auriez juste entendus. Je vous jure que ces gars-là, ils ont inventé Travolta. 35 ans plus tard, en voulais-tu pas un qui revient? L'air d'un big shot clairement crétin. Il écrit des tunes imbéciles pour une chanteuse à gros seins. Inspiration zéro, mais à cette heure, il passe à la radio. Fait que c'est maintenant que tout le monde parle. Là, ça vaut le coup de se déplacer. Show gratuit pour tout le monde. Si ça se trouve, on va passer à télé. Elle flippait des burgers, elle sentait la friture, pis les oignons. Ça c'est normal, c'est ça la vie. Jamais personne pour dire merci. C'est graissé le corps pendant 15 ans, 138 000 réchauds de café. Un jour de pluie, elle sacré le camp. Elle est partie, la caisse aussi. Quand elle décide que c'est assez, quand elle décide que c'est son tour, Il y a toute une armée de vautours qui part en peur pour la poignée. Fait que c'est maintenant que tout le monde parle. Là, ça vaut le coup de se déplacer. Show gratuit pour tout le monde. Si ça se trouve, on va passer à télé. Que ça s'est passé, ça faisait chaud, c'était la fin de l'été. Il y avait la police, les journalistes, puis la TV. D'où c'est qu'il venait? Est-ce qu'on le voyait souvent? Des questions pour faire peur aux enfants. Il y avait les Robidoux, les Ménards, la blonde de Gaétan. Il y avait un grand cordon jaune, puis tout le monde qui regardait vers son appartement. C'est clair qu'il était pas bien, c'est sûr qu'il était rendu trop loin. Juste à le regarder, on avait le goût de brailler. Gros comme un pouls, blanc comme un drap. La vie avait avalé le pauvre gars. Fait que c'est maintenant que tout le monde parle. Là, ça vaut le coup de se déplacer. Show gratuit pour tout le monde. Si ça se trouve, on va passer à télé. Maintenant que tout le monde parle, là ça vaut le coup de se déplacer. Show gratuit pour tout le monde. Si ça se trouve, on va passer à télé. Bruno Marsile. Tout le monde parle de l'album Pas dormir à la connexion à C'est fou 89.1 FM. Maintenant, c'est presque la fin de la première heure. Parlons un petit peu des choses qui ont marqué l'année 2007. Rétrospective en bref, si on veut. YouTube, tête à claque et les jeux dominent le buzz Yahoo des recherches les plus populaires en 2007 selon Kadoé.com. L'an dernier, on nous annonçait une percée du contenu généré par les utilisateurs et les utilisateurs là, des réseaux sociaux, là, Facebook, MySpace et autres. La compilation des recherches les plus populaires sur Yahoo démontre que 2007 est non seulement l'année des YouTube et Facebook, mais aussi le règne du web divertissement présidé par les indétrônables tête à claque. Enfin, bien que les Québécois soient visiblement moins friands de potins d'Hollywood que les Canadiens anglais, les scandales entourant le séjour en prison de Paris Hilton et la mort d'Anna Nicole Smith ont également suscité des masses de clics. D'ailleurs, les blondes terribles, Paris et Britney, occupent encore les premières positions des recherches d'images et de vidéos, donc rien de nouveau de ce côté-là. Faits divers, guerre politique, une véritable mosaïque de sujets d'actualité consultés, dit l'article. Du côté des recherches d'actualité, c'est la disparition de Cédrica Provencher qui a le plus captivé les internautes du Québec, suivi du conflit en Irak, particulièrement recherché en début d'année suite à la pendaison de Saddam Hussein. La troisième position est occupée par la politique québécoise, ponctuée de nombreux événements marquants, dont les élections et la montée de l'ADQ, suivi de la démission d'André Boisclair et le débat sur les accommodements raisonnables. Donc, les principaux résultats francophones sont indiqués dans l'article sur lunechance.com et l'ensemble des résultats ainsi que les caricatures de l'année sont sur Yahoo Québec au qc.yahoo.com. Vous pouvez cliquer sur Revue 2007. On va faire rapidement quelques top 10. Les recherches web, tiens, troisième position, jeu. Ensuite, tête à claque et le numéro 1, c'est YouTube. Les recherches d'images, Britney Spears, Tattoo et Paris Hilton. Recherche de vidéos, Pamela Anderson, tête à claque et le numéro 1, Paris Hilton. Et dans les recherches d'actualité, Politique Québec, Irak et Cédrica Provencher. Il y a aussi là-dedans André Boucher, Paris Hilton, l'ouragan Dean, Avril Lavigne, Céline Dion, Angelina Jolie, Madonna, Publicité, Beyoncé et Tyra Banks. Même Lucie Laurier avec son sein sur YouTube est dans le top des images. Yahoo vient de dévoiler les mots-clés les plus recherchés par. Hey, j'aime ça quand je fais ça. La maison de recherche ComScore, c'est d'elle que je voulais parler, propose un palmarès des 10 sites web les plus visités au mois d'octobre par les internautes canadiens. On parle de sites visités autant de la maison qu'à partir du bureau. Ces chiffres ne comptabilisent pas les accès à partir de lieux publics tels les cafés Internet ou la bibliothèque ou encore les accès à partir de téléphones cellulaires ou d'un organisateur de poche. Donc, Microsoft, l'ensemble de ces sites a été visité par 22 247 000 personnes. Google est en dessous de Microsoft, imaginez, avec 22 millions 40 000. Yahoo, l'ensemble des sites, 16 768 000. Facebook est à 14 428 000. eBay avec presque 14 millions, Time Warner avec presque, en fait, un petit peu plus que 12 millions, Wikipédia avec presque 12 millions, les pages jaunes presque 10, Amazon presque 10 aussi, et Canoe avec 8 273 000. Et tout ça, c'est des nombres de visiteurs uniques. Imaginez, ça veut dire que les gens qui y sont allés plusieurs fois ne comptent même pas. C'est vraiment quelque chose d'arriver à 22 millions. Ça, c'est seulement par les Canadiens en plus. C'est vraiment beaucoup. Voilà qui fait le tour pour ça. Comme je disais, on est presque à la fin de la première heure et on continue notre mini-série en concert depuis la semaine dernière et jusqu'à la semaine prochaine, ou du moins je crois. On écoute un petit peu de Shadow of the Beat, un artiste, ma foi, plutôt bon, avec pour l'instant la pièce My When Clones I Am Out Many, et ensuite ce sera la pièce Sarah Seven. À la Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. À CFOU 89 FM, si vous voulez plus d'informations, allez voir le shadowofthebeat.com ou passez par le www.unechance.com. Deuxième heure de la collection, Wikipédia est-elle fiable pour les étudiants? On parle aussi de Monsieur Facebook qui goûte aux indiscrétions du web et un bloc à thème sur Noël. C'est la deuxième heure de la collection, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Assez fou 89 FM dans vos oreilles! Dash.com.

Étrangement, la pièce ne s'appelle pas Here I Come, mais bien I Get Around de la formation Dragonette. Leur album s'appelle Galore. Maintenant, c'est l'heure du fil informatique. Regardons les nouvelles qui ont marqué le monde des ordinateurs cette semaine. On commence par Wikipédia, qui serait assez fiable pour que les étudiants puissent l'utiliser dans leurs travaux universitaires, selon le fondateur Jimmy Wales. Lors d'une conférence à Londres, dont les propos sont rapportés par la BBC, Jimmy Wales a déclaré qu'il ne voyait aucun problème à ce que les étudiants utilisent Wikipédia comme outil de référence dans leurs travaux, en notant qu'ils citent exactement le contenu des articles. Même s'il affirmait exactement le contraire en 2005, Jimmy Wales affirme maintenant que la qualité et la fiabilité de l'encyclopédie en ligne sont nettement supérieures, notamment grâce à la mise en place d'un système plus poussé de vérification des informations. Et je cite, « Il n'y a pas mieux que les critiques des pairs pour garantir la qualité des informations transmises. » Selon lui, les professeurs qui interdisent l'usage de Wikipédia dans les travaux universitaires sont de mauvais éducateurs. Jimmy Wales a cependant ajouté que les étudiants doivent également faire des recherches dans d'autres outils de référence s'ils veulent que leurs travaux soient crédibles. Dans un tout autre ordre d'idées, Jimmy Wales a également soutenu qu'il est hors de question de vendre son encyclopédie en ligne à une entreprise malgré la situation financière précaire de sa fondation sans but lucratif Wikimedia. Et je cite, « Nous sommes la Croix-Rouge de l'information, nous ne vendrons pas à Google », a-t-il déclaré. On parle toujours de Wikipédia. Une politicienne allemande a retiré vendredi dernier une plainte judiciaire qu'elle a déposée la journée précédente contre Wikipédia, qui contiendrait, selon elle, trop d'articles portant sur le nazisme et les jeunesses hitlériennes. La forte présence d'articles portant sur le nazisme peut servir à la promotion de la doctrine d'Adolf Hitler par les néo-nazis allemands, soutient Katina Schubert, qui dirige par intérim le parti d'extrême gauche Die Linke. Et je cite, « Je sais évidemment que Wikipédia est avant tout une encyclopédie qui sert à transmettre des connaissances sur différents sujets », explique la politicienne sur le site internet de son parti. « Toutefois, ce pouvoir de transmettre des connaissances peut aussi être utilisé à mauvais escient pour faire la promotion d'une doctrine haineuse. Il est important de ne pas sous-estimer cette zone grise. » Mais après plusieurs discussions avec l'équipe de Wikipédia, Katina Schubert a décidé de retirer sa plainte, soulignant que cette façon de faire n'était probablement pas la meilleure pour combattre le néo-nazisme dont plus de 15 000 personnes seraient adeptes en Allemagne. Et je cite, « Il ne s'agissait pas de censurer Wikipédia. La structure ouverte de cette encyclopédie offre un niveau élevé de participation à la vie démocratique, mais j'estime tout de même qu'il faudrait qu'un certain nombre de balises soient énoncées pour que les racistes, les antisémites et les personnes misogynes ne puissent pas y dire ce qu'ils veulent. » L'article vient de branchez-vous.com. Un article de Radio-Canada.ca maintenant. Essayer de se brancher au site 02138 est quelque chose de très difficile aujourd'hui. Il faut dire, ça, on parle du 3 décembre, et il faut dire que la plus récente édition du magazine électronique 02138 fait beaucoup jaser. Le journaliste Luke O'Brien y présente un portrait un peu trop personnel de Mark Zuckerberg, du moins au goût de l'intéressé, Monsieur Zuckerberg lui-même. C'est pourquoi les avocats qui représentent le propriétaire de Facebook ont demandé que soient retirés certains documents publiés sur le site, parce que Monsieur Zuckerberg, c'est l'inventeur de Facebook. On y trouve présentement le dossier d'inscription de Mark Zuckerberg à l'université Harvard, du courriel envoyé par Zuckerberg à Harvard et des extraits d'un journal qu'il rédigeait en ligne. Un beau cas d'arroseur arrosé avec tous ces renseignements personnels qui circulent sur Facebook au sujet de ses 57 millions d'utilisateurs. On en parlera un petit peu plus tard. Je crois qu'on devrait avoir le temps dans le bloc cybercrime. En fait, j'espère avoir le temps parce que c'est important comme nouvelle. Commodore 64, pour les moins de 30 ans, ça représente simplement un mot et un chiffre. Mais non! Mais pour les 35 ans et plus, l'expression Commodore 64 évoque probablement de nombreux souvenirs. Pour les gens d'un certain âge, le premier ordinateur, c'est un peu comme la première blonde ou la première voiture, dit l'article de Canoë.com. En général, il occupe une place particulière dans nos cœurs. Tous ceux et celles qui ont eu la chance d'avoir un Commodore 64 n'ont que de bons mots à ce sujet. Harry McCracken, l'éditeur de la revue PC World, est l'un de ceux-là, et je cite, « Le Commodore 64 n'a sûrement pas été l'ordinateur le plus élaboré, mais il avait toujours une personnalité attachante et il a toujours. D'autres ont dit de cet ordinateur, c'était la machine idéale pour le temps. Au cours de 82 et 83, 17 millions de Commodore 64 ont été vendus. Certaines sources parlent de 22 millions d'unités. Selon le livre des records Guinness, il s'agit du modèle d'ordinateur le plus vendu au monde. Les gens pouvaient l'acheter pratiquement n'importe où. Récemment, l'article dit « J'ai retrouvé la boîte de carton de mon Commodore. » On pouvait encore y lire le prix, 700 $, une somme assez élevée pour le temps. En dépit des nombreuses critiques dont il fut l'objet, il était à la fois distrayant, éducatif et même un peu envoûtant. Par rapport aux ordinateurs d'aujourd'hui, le Commodore 64 est un ancêtre, pour ne pas dire un dinosaure, mais il n'est pas encore mort. Les tout premiers jeux à faire sont toujours disponibles sur Internet et il existe des sites web qui en font l'éloge, même plusieurs années après son arrivée sur le marché. Lundi prochain, en fait, c'est ça, lundi, aujourd'hui, en direct, le musée de l'ordinateur situé à Mountain View, en Californie, célèbre les 25 ans du Commodore 64. Des pionniers du monde informatique sont sur place pour l'occasion. On parle de Jack Tramiel, le fondateur de Commodore, Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, et William Lowe, le père des premiers ordinateurs IBM. Pourquoi autant de fébrilité autour d'une vieille machine? Eh bien, aujourd'hui, l'ordinateur est un simple objet. Il y a 25 ans, c'était une expérience merveilleuse, dit l'article, qui date du 7 décembre, si je comprends bien. Oui, c'est bien aujourd'hui, le 10, l'article date de vendredi. Voilà. Une mise à jour du logiciel antivirus Norton de Symantec a privé les utilisateurs de logiciels de filtrage de leur accès à Internet, selon PC Magazine. La mise à jour de routine de Symantec a identifié le logiciel de filtrage CyberSitter de la compagnie californienne SolidOak comme un virus, effaçant de nombreux fichiers nécessaires à son fonctionnement. Conséquemment, les utilisateurs de CyberSitter, qui est en majorité des écoles, des bibliothèques et des parents, ont perdu leur accès à Internet puisque le logiciel ne dispose d'aucun mécanisme de restauration. Selon un porte-parole de SolidOak, des dizaines de milliers de clients ont connu des problèmes avec la mise à jour de routine de Symantec. Certains clients ont même eu à réinstaller entièrement leur système d'exploitation, genre Windows. Sous la pression de SolidOak, Symantec a ouvert une ligne téléphonique d'urgence pour répondre aux clients affectés par le bug. Un journaliste a tenté d'appeler à Symantec, mais s'est heurté à une boîte vocale qu'il a redirigée vers le service à la clientèle régulier de l'entreprise. Dans un communiqué de presse, le président de SolidOak a expliqué que c'est la troisième fois en un an que Symantec considère CyberSitter comme un logiciel malveillant. Et je cite, « Selon moi, les produits Norton sont les pires virus que je connaisse et c'est l'opinion de bien, bien des gens que je connais aussi. » Nouvelle en bref, tiens, les capsules humoristiques diffusées sur le site lecarroberge.com, vous avez certainement été voir ça au moins une fois ou peut-être que vous l'avez vu à vlog. Donc, les capsules qui ont été vues par plus de 700 000 internautes depuis juin dernier sont adaptées pour le grand écran selon la maison de production GoFilms. Doté d'un budget de 1,2 million, le film, scénarisé par Benoît Roberge, Jean-Michel Dufault et Stéphane Heuroy, sera réalisé par Raphaël Malo, qui réalise déjà les capsules Internet. Le tournage doit commencer le 24 mars prochain pour une sortie en salle en août 2008. Si vous voulez vous renseigner et voir les capsules qu'autant de gens adorent, allez voir lecarroberge.com, www.lecarroberge.com. Ça fait le tour du fil informatique. Regarde un petit peu les jeux qui ont été les plus vendus au Japon la semaine dernière selon l'Institut, la société Media Create. Les consoles, 5e position PlayStation 2, 4e PlayStation 3, 3e PSP avec presque 75 000 ventes. En 2e, c'est la Wii avec aussi presque 75 000. Et puis, le numéro 1, c'est la Nintendo DS avec 124 627 ventes pour un total de 20 284 183. Et pour la semaine du 26 novembre au 2 décembre, voici les jeux les plus vendus au Japon. En 5e, Devil Kings 2 Heroes sur la PS2. En 4e, c'est Dragon Quest 4 sur la DS. En 3e, SD Gundam G Generation Spirits sur la PS2. En 2e, c'est Wii Fitness sur la Nintendo Wii. Et le numéro 1, c'est sur la DS. Et c'est Professor Layton and the Pandora Box. Vous écoutez La Connexion à CFO 89.1 FM. Oui, Capitaine. Wow. Yeah. Au retour, on parle de crime. Les cymbales par la fenêtre et le reste par la porte. Il doit l'avoir trompé. Ou elle en a tout simplement marre. Au premier coup d'œil, on l'aurait dit calme et tendre. Elle est sûrement aussi, mais pas dans ces moments. Elle est plutôt tendue. Il y a du verre qui se casse. Ça doit être la tasse. Mon amour pour toujours. Et elle marche comme si on lui marchait sur la tête. Elle hurle comme si on lui marchait sur les pieds. Et elle marche comme si on lui marchait sur la tête. Elle hurle comme si on lui marchait sur les pieds. Now we're alive. Starinovich. Avec la pièce en dessous, avant de passer en publicité, voici notre quiz musical de la semaine. Nommez ce jeu. Mais quel est ce jeu? La réponse au retour à la collection à C'est fou 89 FM dans vos oreilles. Avant la pause, je vous ai demandé de nommer le jeu qui est derrière moi. Je laisse encore quelques secondes pour y penser. Si vous avez deviné Killer Instinct Gold sur la Nintendo 64, félicitations! Killer Instinct Gold, j'ai joué à ça. Étrangement, je suis pas un gars de bataille pantoute. Bonjour, c'est La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Il nous reste à peine 30 minutes pour faire une barge de choses, dont le bloc Cybercrime, un bloc sur Noël. Et si on a le temps, on parlera de d'autres choses. Mais tout de suite, en musique, voici The Go Team et Grip Like a Vice. À C'est fou 89.1 FM, c'est sur le palmarès francophone. Et c'est vraiment très, très bon. Comme La Connexion, dans le fond. Et comme vous, vous êtes bon, vous. Je vais permettre de vous voyer. Rock the way, and that's what you know. I'm the queen. The Go Team et Grip Like a Vice de l'album Proof of Youth. Ce sont les panorèmes anglophones de C'est Fou. Et maintenant, c'est le bloc Cybercrime. Quelques nouvelles qui ont marqué le monde de la criminalité, de la cybercriminalité, de tout ce qui se passe de croche sur le Internet. On commence par Facebook. Mark Zuckerberg, on en parlait un peu plus tôt dans l'émission, si vous y étiez. Le jeune président et fondateur du site de réseautage Facebook s'est finalement excusé la semaine dernière pour avoir introduit Beacon, une nouvelle forme de publicité controversée sur son site. Et je cite, « Je ne suis pas fier de la façon dont nous avons géré la situation. » C'est ce qu'il avoue dans ses excuses sur le blog de Facebook. Beacon, une fonction qui permet de savoir ce que les usagers font sur certains sites web externes à Facebook, s'est attiré ces dernières semaines les foudres des usagers du site, des groupes de protection de la vie privée et de certains annonceurs. 71 000 usagers ont d'ailleurs joint le groupe nommé Facebook Stop Invading My Privacy, mis sur le pied par l'organisme, par l'organisme américain MoveOn.org. Facebook, qui aura tout de même pris un long mois à réagir, a finalement ajouté l'option de désactiver complètement Beacon dans les préférences des utilisateurs. Pour ceux qui ne le désactivent pas, les messages envoyés par Beacon devront tout de même être approuvés par les usagers avant d'être affichés sur leur fil de nouvelles Facebook. Auparavant, les messages étaient plutôt approuvés par défaut et il fallait absolument activement les refuser. En fait, ce que ça veut dire, c'est que disons que tu achètes un film sur blockbuster.com, là, et bien ça apparaît dans ton dans le feed de tes amis disant que tu as acheté quelque chose de spécifique sur blockbuster.com. C'est clair, ça, c'est le Beacon. Voilà. Le nombre total de logiciels malveillants aurait doublé en 2007 selon F-Secure. En début d'année, la firme de sécurité informatique possédait une banque de données répertoriant quelques 250 000 logiciels malveillants découverts au fil de sa vingtaine d'années d'existence. Et bien, un an plus tard, F-Secure constate que ce nombre a doublé, dépassant en un an seulement le cap du demi-million. Selon F-Secure, qui a présenté cette semaine son rapport annuel sur l'évolution des logiciels malveillants, les pirates créent de moins en moins de virus verts et chevaux de Troie innovateurs, mais produisent plus que jamais des variantes de ces programmes à partir de trousses de programmation disponibles sur Internet. F-Secure soutient que, bien que le nombre de logiciels malveillants qui s'attaquent à Windows Vista augmente, la version XP reste toujours la principale cible. La firme ne prévoit pas que la situation changera l'année prochaine car les ventes de Vista ne sont pas très élevées. Selon F-Secure, le ver de la tempête est le logiciel malveillant le plus répandu de 2007. La firme Postini affirmait d'ailleurs en août avoir intercepté 415 millions de courriels entre le 16 juillet et le 1er août, dont 99% contenaient des variantes de cet asticot. Si vous voulez voir l'article au complet, c'est sur lunechance.com. L'article s'appelle « Les logiciels malveillants ont doublé en 2007 ». Et finalement, les experts en sécurité informatique rappellent qu'il faut demeurer vigilant durant les fêtes. Le temps des fêtes apporte son lot de traditions. Certaines sont anciennes, comme le Père Noël et la Nativité, alors que d'autres sont plus contemporaines, comme Nez Rouge et les nouvelles menaces concoctées par les pirates informatiques. En effet, les fêtes constituent une période propice aux attaques informatiques, tout particulièrement à l'hameçonnage, le phishing, en raison de la grande quantité de transactions effectuées dans les commerces en ligne. Évidemment, les avertissements habituels demeurent en vigueur, particulièrement ceux qui touchent les achats par carte de crédit et de débit. De plus, selon un expert en sécurité chez IBM, les gens doivent particulièrement se méfier des faux bons de réduction en ligne reçus par courriel. Ces courriels contiennent un lien invitant les consommateurs à fournir quelques renseignements afin de profiter d'un rabais substantiel sur la marchandise très recherchée. Le site vers lequel est redirigée la victime est une copie parfaite du site d'un commerçant bien connu. La personne doit alors entrer de l'information sur sa carte de crédit ou un nom d'utilisateur et un mot de passe permettant d'accéder à son compte dans le véritable site. Il est très simple de se protéger de telles attaques, dit l'article de branchez-vous.com. Au lieu de cliquer sur le lien proposé dans le courriel, allez directement dans le site web du commerçant et cherchez dans la liste des bons de réduction si l'offre reçue par courriel s'y trouve. Si vous ne la trouvez pas, communiquez avec le marchand pour vérifier la validité de l'offre. C'est le conseil à donner en cette période des fêtes. Ne cliquez jamais sur un lien que vous recevez dans un courriel. Allez taper directement l'adresse dans la barre d'adresse. Disons que vous recevez un courriel de, je sais pas, ebay.com. Tapez le ebay.com dans votre barre d'adresse. C'est toujours beaucoup plus sécuritaire comme ça. C'est le conseil à donner. Là, qui fait le tour pour le bloc cybercrime, mais regardons un petit peu les jeux qui ont été les plus trichés la semaine dernière via GameFAQs.com, une propriété de Cinet. Hein? En cinquième position, c'est Zelda Phantom Hourglass sur la DS. En quatrième, c'est Super Mario Galaxy sur la Wii. En troisième, c'est Assassin's Creed sur la Xbox 360. En deuxième, c'est Final Fantasy XII sur la PS2. Et le jeu le plus triché, les gens ont cherché une façon de contourner les bouts qu'ils ne savaient pas comment faire pour les passer. C'est Mass Effect sur la Xbox 360. Maintenant, très très subtilement, passons à un bloc à thème. Et notre thème cette semaine, vous l'aurez deviné, c'est Noël. Le National Institute on Media and the Family vient de publier le 2007 Video Game Report Card, qui est un document qui critique l'industrie du jeu vidéo. C'est pas nouveau, évidemment. Les auteurs de ce rapport s'insurgent contre les détaillants qui ne vérifient pas toujours l'âge des jeunes avant de leur vendre ou leur louer un jeu vidéo. Ils ont dressé également une liste de jeux à proscrire aux plus jeunes, de même qu'une liste de jeux recommandés. Donc, dans ce rapport, les docteurs en philosophie David Walsh et Douglas Gentile se sont intéressés à l'impact des jeux vidéo dans la vie des enfants et des parents. Ils observent que plusieurs parents ne comprennent pas du tout le système de classement de l'ESRB. D'accord, peut-être qu'ils n'ont pas essayé fort, parce que c'est plutôt évident, mais bon, je dis ça avec complètement arrogant de ma part, mais non, mais c'est écrit T pour adolescent, il n'y a pas plus évident que ça, là. À moins d'écrire le mot complet, là. Peut-être que c'est tout ce qu'ils devraient faire, juste écrire le mot complet et les gens comprendraient. Donc, j'étais en train de dire, plusieurs parents ne comprennent pas le classement de l'ESRB et que peu d'entre eux jouent avec leurs enfants à des jeux vidéo et que les jeux vidéo peuvent être une source de friction dans les familles. Plus inquiétant encore, ils observent que près de la moitié des enfants sont en mesure d'acheter ou de louer des jeux vidéo réservés aux adultes. Ils donnent d'ailleurs la note de F aux détaillants qui louent des jeux vidéo parce que ces détaillants-là, c'est clair qu'ils ne suivent pas du tout les règles. Probablement parce que pas autant de punitions quand tu contreviens à cette loi-là. Par exemple, dans un dépanneur, c'est 18 ans et plus pour les cigarettes, ben le dépanneur ne t'en vendra pas parce qu'il sait que s'il se fait prendre, ça va lui coûter des milliers de dollars. Les clubs vidéo, j'imagine qu'il y a aussi un système de punition, je suis même pas au courant, mais je suis sûr que c'est pas mal moins gros que ça, parce que sinon, les détaillants de clubs vidéo, les vendeurs et les propriétaires de clubs vidéo seraient beaucoup plus vigilants par rapport à ça. Enfin. Selon eux, donc, voici les jeux que les enfants et les adolescents ne devraient pas recevoir en cadeau de Noël. Assassin's Creed, Call of Duty 4 Modern Warfare, Conan, The Darkness, Clive Barker's Jericho, Kane and Lynch Dead Men, Manhunt 2, Resident Evil Umbrella Chronicles, Stranglehold et Time Shift. Et voici les jeux que vous pourriez offrir à des enfants ou des adolescents. Les jeux fermés, je vous les nomme, prenez-les en note maintenant. FIFA Soccer 08, Guitar Hero 3 Legends of Rock, Anna Montana Spotlight World Tour, Madden NFL 08, Mario and Sonic at the Olympic Games, Need for Speed Pro Street, The Sims 2 Castaway, Super Mario 3, je vais le dire en français, sur la console virtuelle de la Wii, et Super Mario Galaxy, et le dernier, Viva Piñata. Voilà, tous des jeux relativement... En tout cas, les derniers vers la fin, c'était surtout des jeux pour enfants, mais les autres, dont Guitar Hero 3, tout le monde peut jouer à ça, même chose pour FIFA Soccer, et Madden NFL 08, voilà. Donc, décidément, ces deux listes sont bien courtes. Mais si vous avez d'autres suggestions de jeux à proscrire ou à recommander aux plus jeunes, vous pouvez aller les écrire sur le commentaire de l'article sur lunechance.com. L'article s'appelle « N'offrez pas ces jeux à Noël à des enfants, même s'ils les réclament ». Et d'ailleurs, il y a des très très bonnes suggestions déjà écrites dans les commentaires, même si certains disent « Il suffit d'y aller de sa jugeote ». Évidemment, il y a des jeux que c'est évident en les regardant que c'est des jeux pour adultes. Là. Je veux dire, faut faire attention. Les parents, c'est la faute des parents, ça, selon moi. En tout cas, c'est pas mal eux qui sont à blâmer là-dedans. Mais bon. Éduquer l'aide aux enfants. Mais bon, encore là, arrogance de ma part. Grâce à un partenariat entre le Père Noël et MSN Canada, il est maintenant possible d'écrire au célèbre personnage à la longue barbe blanche en visitant le demandeaupèrenoël.ca. C'est la troisième année qu'une telle initiative est créée, dit l'article debranchezvous.com. En plus d'envoyer leur liste de cadeaux au Père Noël, les enfants peuvent parler directement au Père Noël. C'est quand même bien. En effet, ils n'auront qu'à ajouter à leur liste Messenger le Père Noël parce que lui-même dispose d'un compte Windows Live. On trouve également dans le site internet toutes sortes de choses pour plaire à toute la famille. En premier lieu, il y a des recettes du temps des fêtes proposées par Mère Noël, gentille dame. Il y a aussi des jeux interactifs et même des images imprimables à colorier. Enfin, les plus impatients auront accès à un décompte calculant le nombre de dodos restants avant le 25 décembre. Tous les enfants qui ont écrit par courriel au Père Noël devraient recevoir une réponse. Et pour les plus traditionnels, vous connaissez l'adresse. Ça va être pour le Nord. Par contre, il faut envoyer sa lettre avant le 15 décembre si vous voulez le faire par la poste pour être assuré d'avoir une réponse avant Noël. Alors que par courriel, sur demandeaupèrenoël.ca, c'est beaucoup plus facile. Vous allez pouvoir écrire jusqu'à la toute dernière minute et recevoir une réponse quand même. Ça va pas bien, le rhume. Le Père Noël de Microsoft avait de drôles conversations avec les enfants qui voulaient lui envoyer leur liste de cadeaux en anglais. L'année dernière, Microsoft a encouragé les enfants à clavarder avec le Père Noël par l'entremise de l'adresse northpole@commerciallive.com. Eh bien, un robot doté d'intelligence artificielle discutait avec les enfants désireux de faire parvenir leur liste au jovial bonhomme. Vu le succès de ce projet l'année dernière, Microsoft a remis en ligne le Père Noël cette année. Cependant, la société a dû désactiver le Père Noël lorsque, au cours d'une innocente conversation sur la pizza avec un enfant, pardon, le robot a mentionné l'amour oral à l'enfant, non peu étonné. La suite au retour. Je vais revenir. Say, did you ever stop to think along the way? But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. I'm not gonna stay. Obvious observations everybody makes. But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. The way so tired through a mic. But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. Maintenant, on retourne au fil à thème. Ben oui. Donc, j'étais en train de parler de la dernière Microsoft qui avait encouragé les enfants à clavarder avec le Père Noël sur Windows Live Messenger. Ben maintenant, ils ont ramené ce projet-là, excepté qu'ils ont dû arrêter ça sec. Parce qu'au cours d'une innocente conversation sur la pizza avec un enfant, le robot a mentionné l'amour oral à l'enfant, non peu étonné. Un journaliste de The Register et père de l'enfant en question a recréé la conversation. Après avoir refusé à quelques reprises l'invitation à manger de la pizza de son interlocuteur, le Père Noël a finalement dit, traduction libre, et je cite, « Tu veux que je mange quoi? C'est amusant de parler d'amour oral, mais j'aimerais discuter d'autre chose. C'est ce que le robot qui jouait le rôle du Père Noël a dit. La conversation a finalement pris fin par un échange d'injures entre le journaliste et le robot de Microsoft. Un représentant de Microsoft a expliqué que les fameux commentaires ont été obtenus après une conversation assez inhabituelle, que les risques que ces mots soient répétés étaient minces. Il a ensuite ajouté que des ingénieurs de la société ont nettoyé le vocabulaire du Père Noël, mais que malgré tout, il n'était pas à l'aise avec sa remise en ligne. Il faut tout de même se demander pourquoi les concepteurs ont cru nécessaire d'inclure un tel vocabulaire pour le Père Noël. Ben, c'est évident, c'est parce que les gens s'emmerdaient à faire un robot du Père Noël. C'est tellement plate, donc ils ont décidé, avec un mauvais jugement qu'ils ont, probablement ces gens de mon âge, sûrement des gens de 22, 23, 24 ans qui ont fait ça. C'est normal, ils ont l'esprit croche, puis ils voulaient s'amuser, puis ils se disaient que ça arriverait sûrement jamais, que personne réussirait à faire une conversation comme ça, mais bon. Enfin. Passons. Donc ça fait le tour pour notre bloc à thème sur Noël. Regardons un petit peu les jeux les plus recherchés sur wana.com. En cinquième position, on retrouve Halo 3 sur la 360. En quatrième, c'est Crysis sur le PC. En troisième, No More Heroes sur la Wii. En deuxième, c'est God of War sur la PSP. Et en première place, le jeu le plus recherché sur wana.com, c'est Street Fighter 4 qui sort le 15 juin 2008. Voilà, c'est super beau. Maintenant, on se calme un peu et on parle de technologie. Mi-bloc technologique cette semaine, tout ce qui n'a pas rapport avec les jeux vidéo ni l'informatique, c'est tout le reste des technologies. Une boutique Apple Store va officiellement ouvrir ses portes le printemps prochain. En fait, on dit probablement dans l'article, mais c'est presque confirmé, au centre-ville de Montréal, selon la presse. L'arrondissement de Ville-Marie a reçu la semaine dernière une demande de permis de construction pour le 1321 rue Sainte-Catherine-Ouest afin que l'aspect extérieur du bâtiment puisse être modifié. Le quotidien rapporte que le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie se penchera la semaine prochaine, donc cette semaine, sur la proposition de la compagnie californienne. Les recommandations du comité devront ensuite être approuvées par les élus de Ville-Marie. Et si tout se déroule bien, Apple devrait obtenir l'autorisation de bâtir sa boutique au début de 2008. Mais pour le moment, il est impossible de savoir à quoi va ressembler la nouvelle boutique, la compagnie étant fidèle à son habitude de ne pas dévoiler ses plans. La nouvelle boutique va être située entre les rues Crescent et de la Montagne. Le local, qui est présentement occupé par la boutique Men's, a une superficie d'environ 9300 pieds carrés et dispose d'une mezzanine. Ça va être très joli, ça. Et ça fait 15 ans maintenant que le SMS est une véritable vache à lait pour les opérateurs mobiles. Oui, vous avez peut-être pas, mais ça existe depuis 15 ans. C'est apparu en 92, la première plateforme d'envoi automatique de SMS côté opérateur. Ça a bien évolué ces dernières années. Le premier message envoyé il y a 15 ans par Neil Papworth, un ingénieur de chez Airwide, a été reçu par Richard Jarvis, qui travaillait à l'époque pour Vodafone. Il contenait un message simple « Happy Christmas ». Le SMS a ensuite évolué et rencontré le succès qu'on lui confère. Reste à savoir maintenant si le record établi pour le 1er janvier 2007, 203,4 millions de SMS envoyés, sera battu avec les célébrations qui auront lieu dans quelques semaines. Voilà pour le fil technologique. Et voilà que mes atouts recommencent. Donc, il nous reste à peine quelques secondes pour regarder ce qui se passe autour du net. Oui, parce que vous savez, il s'en passe des choses autour de ce célèbre Internet-là. Je vais vous laisser aller voir sur le site unechance.com la plupart de ces liens. Il y a aussi sur le site quelques jeux pour le bureau que j'ai posté, dont une version gratuite de Lumines, un jeu très populaire. Et bien, c'est gratuit sur PC. Il y a aussi Surplosion, Laser and Bubbles, Tetrical, une version un petit peu space et trois dimensions de Tetris. Lost in the Static, qui est un jeu qui se passe complètement dans de la statique de télé. Vous savez, la neige, le noir et blanc, là. Tout se passe là-dedans. Donc, si vous ne virez pas fou en jouant, ben, ça devrait être une belle petite partie de plaisir. Il y a aussi Monkey Island, où tu dois guider un singe sur des îles. Très, très beau. Il y a aussi quelques gadgets assez intéressants que j'ai posté. Une guitare électrique qui s'accorde toute seule, qui a été présentée à Londres. Et il y a aussi comment décorer son sapin en USB. Tout ça, c'est sur le www.unechance.com. Maintenant, regardons qu'est-ce qui se passe sur Internet. Tiens, on commence par une machine d'arcade inspirée par Metroid. Un beau petit, une belle petite vidéo sur YouTube comme ça. C'est très, très joli. C'est vraiment quelque chose à voir. Il y a aussi ensuite... Oh oui! Ah, ça, c'est vraiment beau! C'est une version papier de Mario sur Nintendo DS. D'accord? Donc, la personne a pris un... Ah, c'est vraiment génial. C'est un carton. Il a dessiné la console. D'accord? Après ça, il y a des genres de... Il y a d'autres feuilles de papier qui glissent en arrière de cette console-là pour faire avancer le tableau de Mario Bros. D'accord? Et il y a un genre de... Le gars, il a un stylet, d'accord? Un faux stylet avec Mario attaché au bout de son stylet. Il fait sauter le personnage sur le papier. C'est... Moi, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Ça, c'est vraiment quelque chose. OK, donc j'arrête d'en parler, sinon je le regarderai au complet et vous le voyez pas, vous êtes à la radio, n'est-ce pas? Ensuite, sur PCGamesHardware.de, on retrouve une galerie de photos de quoi avait l'air l'eau dans les jeux vidéo. Vous savez, les effets d'eau, des vagues, depuis 1996 dans Wave Race sur Nintendo 64 jusqu'à maintenant. Très, très belle galerie. Il y a aussi... Qu'est-ce qu'il y a? Le site de Kane & Lynch, tu sais, on en parlait tantôt sur GameSpot, et bien, eux autres, le site officiel de Kane & Lynch a manipulé les cotes. Il a mis les mauvaises cotes sur le site. Ils ont mis des 5 sur 5 partout alors que l'article donnait un 6 sur 10 ou un 4 sur 5. Donc, Kane & Lynch, c'est de la vraie quelque chose. Et le meilleur selon moi, c'est et si Sonic the Hedgehog 2 était en haute définition, pouvez-vous imaginer de quoi ça aurait l'air? Allez voir l'article de racketboy.com sur lunchance.com, c'est quelque chose à voir. J'adore ça. Les 10 jeux vidéo les plus difficiles à compléter. Il y a Mike Tyson Punch-Out. Il y a même les raisons pourquoi ce l'était. Teenage Mutant Ninja Turtles. Il y a Solomon's Key. Il y a Super Empire Strikes Back. Il y en a un paquet comme ça. Et puis un paquet d'autres affaires à aller voir sur le www.unechance.com. Mais nous, c'est la fin de la collection pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là comme à chaque semaine. J'adore vous avoir avec nous. Je vous retrouve à La Chance au coureur. L'émission de découverte musicale, c'est les vendredis matin à 10h et dans les palmarès, c'est fou, les vendredis soirs à 17h. La connexion, l'émission que vous écoutez là, est en direct les lundis et en rappel les jeudis de 11h à 13h. Allez voir le unechance.com pour la balado-diffusion en MP3 et pour voir tous les liens mentionnés dans l'émission d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe fictive de la connexion, mon nom est Mathieu Plante. Je suis en train de vous dire, faites attention à vos genoux, bonne journée et bonne chance. Dash.com.